بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 1. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية nous a montré أن la cause de la réussite كنتم خير أمة. La cause, لماذا الله سبحانه وتعالى il a fait que cette أمة c'est la meilleure, deux choses il a cité في الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. La première cause: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Ordonnez le convenable, interdire le blâmable. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. La deuxième chose: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. العقيدة الصحيحة. نحن اليوم بإذن الله عز وجل on va étudier هذه المسألة المهمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصل من أصول دين الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة جميع الأنبياء وجميع الرسل. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمر بمعروف: اعبدوا الله، أبغي الله سل، توحيد الله سبحانه وتعالى، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. Ça c'est le plus grand bien. التوحيد، unifier الله سبحانه وتعالى. Et le plus grand شر، la pire des choses، الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل، ils ont appelé au bien. التوحيد et tout ce qui vient après. Et ils ont interdit le mal, الشرك. Ce qui vient après, comme ma'asi et bida' et mukhalafat. Fahada al-asl. Fahada al-asl. Al-amr bil-ma'ruf wa na'al munkar. C'est un asl azim. Alayhi qamat al-millah. Amma al-ma'ruf. Ta'rif al-ma'ruf. Fahwa ismun jami'. Likulli ma. Ou likulli na'am ma. Urifa min ta'atillah. Wa taqarrub ilayh. Wa l'ihsan ila al-nas. C'est ça al-ma'ruf. المعروف كل ما عرف من طاعة الله. Tout ce que الله سبحانه وتعالى il nous a ordonné. Ça soit une chose obligatoire ou une chose recommandée. معروف. C'est le bien. قال والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. Ça peut être معروف une ibada لله عز وجل, ça peut être معروف vers une personne. Enfin, la personne, il doit ordonner, يأمر, il conseille هذا المعروف, il appelle à هذا المعروف. أما المنكر فضده, c'est son contraire. كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. هذا المنكر. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, c'est munkar. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, c'est munkar. Al-ma'aruf, c'est le bien. Al-munkar, c'est le mal. Lakin, anta, ayyuha al-muslim, fi al-ma'aruf, ay fahm, ma huwa al-ma'aruf, wa fahm, ma huwa al-munkar, labud an tataqayyad bi kitabillah wa bi sunnat nabihi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. لأن بعض الناس الآن ils ont un فهم du معروف il est pas bon. بعض الناس ils ont un فهم du منكر il est pas bon. فنحن on a donné une définition, c'est important. لماذا حتى أنت tu comprends c'est quoi un معروف, c'est quoi le bien. بعض الناس الآن il a une image, الناس ça c'est bien, عند الله c'est du شر. الرسول صلى الله عليه وسلم il nous l'a interdit. Prends l'exemple des bid'a. بعض الناس ils font des bid'a ou des bid'a ليل نهار, ils pensent que c'est un bien. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit kullu bid'atin dhalalah. Fa al bid'a c'est un munkar. Voilà, si une personne elle pense que c'est un bien, c'est un munkar, tu dois l'enlever. Fa anta ton mizan fi hadhihi al mas'ala c'est al Qur'an et la Sunna. Ce que le Qur'an et la Sunna ils nous ont montré c'est un ma'ruf, c'est un bien, t'appelles autant que tu peux. Ce que le Qur'an et la Sunna ils nous ont montré c'est un munkar, t'interdis ce munkar, tu combats ce munkar autant que tu peux. قال ابن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. انظر واسمع فهم الصحابة أن توت les innovations c'est un égarement. Tout. ولو s'il y a des personnes ils pensent que cette innovation c'est un bien. وهو il l'a fait, cet innovateur il fait l'innovation إلا parce qu'il pense que c'est un bien. فأنت لا تغتر بهذا. Ce منكر tu l'enlèves. فهذا خلاصة التعريف أو تعريف المعروف وتعريف المنكر. أما فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا في القرآن والسنة. أي le bienfait d'ordonner le bien et d'interdire le mal معروف أن في السنة النبوية وفي القرآن العظيم كثير من الأدلة في هذا الباب. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فوائد عظيمة جليلة pour toi, أي الفوائد الفوائد pour celui qui appelle, كذلك pour celui qui reçoit cet appel. Les deux ils auront des فوائد عظيمة. ومنها من هذه الفوائد نذكر بعضها مختصرا. الأولى تطهير المجتمعات من المخالفات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل النقاء والصفاء عن نتواياج بإذن الله عز وجل. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى قال فقوام المجتمع وصلاحه إنما يحصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لابد أن يوجد في مجتمع المسلمين من يقارف المعاصي والمنكرات. وهذا لا شك فيه أن ما من مجتمع سواء مجتمع مسلم من باب أولى مجتمع الكفار فهم غالب أحوالهم في المنكر, فغالب مجتمع المسلمين بل كلهم تتخوف هذه المنكرات إما un peu إما beaucoup ça dépend du temps du lieu إلى آخره. فلابد هذا si on est d'accord أنه لابد qu'il y a des munkarat, فلابد qu'il y a un inkar. Et لابد qu'on conseille, qu'on ordonne l'inverse du munkar. Et c'est le ma'ruf. أما la personne il se tait et il sent qu'il n'est pas concerné, فهذا il n'a pas compris le Coran, il n'a pas compris le Sunna. Il n'a pas compris le din. Il n'a pas compris le din. أبداً. Le muslim il est concerné. Un munkar il doit l'enlever autant qu'il peut. Et un ma'ruf il appelle. وتأمل هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سامثال طيب جدا qui va donner une image en la gravité de ceux qui laissent le munkar et la gravité de ceux qui appellent pour ma'rouf. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cette image, cet exemple aux sahaba. Fasma qala mathal alqa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qawmin istahamu ala safinatin. هذا لعلكم تذكرون هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادون لي الإكسامب سفينة بطو قال فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها سبطو une partie des personnes qui sont dans le bateau ils sont au-dessus et l'autre partie ils sont en bas قال عليه الصلاة والسلام قال فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقها. T'as le bateau, il est hakada, deux étages. T'as une partie de personnes, ils sont en bas, l'autre partie, ils sont au-dessus. Haoula, le bateau, il est hakada, la partie en bas et la partie au-dessus. Ceux qui sont en bas, pour chercher de l'eau, comme ça y est, kalam an-nabi alayhi sallam, ils sont obligés de passer par au-dessus. Ils n'ont pas de chemin. Maintenant, l'eau, si on se met hakada, ils sont là, l'eau, elle est là. Et ils n'ont pas de passage, ils sont obligés de passer par au-dessus. Ils sont obligés. À chaque fois, s'ils ont besoin d'eau, ils montent, ils passent par là, ils peuvent déranger Aoula, et ils descendent et ils prennent de l'eau, et ils reviennent. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-An, il nous a expliqué cela. Faqal, qala fakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min al-ma marru ala man fawqaha faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana. Haoula, ils ont dit, nahnu, da'iman on dérange cela. Daïman, on dérange ceux qui sont au-dessus de nous. Et en passant, il a akhiré. Il a pris la décision, si on fait un trou, et on prend de l'eau directement. Hatta, on ne dérange plus Haoula. Ça te montre une faïda. Celui qui fait un munkar, il peut avoir une bonne niya. Hadal An, il a une bonne niya. Il ne veut pas déranger les autres, il veut aider ses frères. Lakin, ce n'est pas une bonne solution. Abadan. Ça te montre un sahib munkar, il peut avoir une bonne niya. Tu lui dis « Taqillah » Il dit « Naam, lakin, j'ai voulu faire du bien. » Naam, t'as voulu faire du bien, c'est une autre chose. La chèque, heureusement que t'as voulu faire du bien. Mais celui qui fait du munkar parce qu'il veut faire du munkar, il est à la khatar. C'est pas tous ceux qui veulent faire du bien qui font du bien. Comme a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن سي ceux qui sont sur ce bateau, ils auraient laissé cette personne faire ce qu'il a voulu. Enfin, ils auraient tous péri, tous halak. Amma, s'ils enlèvent ce munkar, ils vont faire du bien à la personne et ils vont faire du bien à eux. Tous, ils vont pas couler, mais idnillah azza wa jalla. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il t'a montré, il t'a donné ce mithal pour te montrer l'importance du munkar. Nous, le mujtama où on vit, la ville où tu vis, le village où tu vis, le pays où tu vis, si les gens ils se taisent sur le munkar, Allah subhanahu wa ta'ala il peut châtier al-jami'a. Walaw t'as rien fait, lakin t'as pas parlé. Et le fait de ne pas parler, c'est un munkar en lui-même. Entabih akhi al-muslim min ba'd al-afkar al-kharija 'an din al-islam. Il y a des gens, ils ont des pensées, il a une conception des choses, c'est pas min al-islam fi shay' abadan. Fa mathalan kama ta'lamun, t'entends souvent anna la liberté, kada. Tous ces afkars, ce n'est pas des afkars islamiques, abadan. La liberté, c'est fi hududillah. Amma wahadi fi al-ma'siyah, il n'est pas libre. Yunkar alay. Il ne fait pas ce qu'il veut. Abadan. Anna amma al-an, fi kathir min al-mujtama'at, wa kathir min al-nas, ils ont ces afkars. Je fais ce que je veux, je suis libre, il a akhri. Rentre pas dans ma vie, al-kalam qu'on entend beaucoup. Sallallahu alayhi. Amma al-muslim ka ala ilm, il tabak hada. Et ça montre que celui qui enlève le munkar, il veut du bien à la personne. Lakin akthar an-nas la ya'lamun. Amma celui qui enlève le munkar, aw yansah fulan alaykum salam wa rahmatullah, la shak annahu il veut le bien de la personne. Il voudra pas son bien, il le laisserait halak alaykum salam. Qala al-Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah wa kadhalik al-mujtama'. Fa al-mujtama' mithla as-safina. Al-Sheikh al-Fawzan waffaqahu Allah al-an, il va te montrer un exemple qu'il a donné le Nabi alayhi salatu wasalam pour le bateau. Fa anta où que tu sois, t'es chez toi, c'est comme si t'étais dans le bateau. T'es dehors, t'es dans ton école, t'es dans ton masjid, t'es dans. إلى آخر. قال وأهل الخير وأهل الصلاح والعلم هؤلاء هم الذين أصابوا أعلاها. أي الإكزامبل الآن كو البروفيت صلى الله عليه وسلم قال لي بيرسون كي تروتشو سي أهل الخير et ceux qui sont en bas c'est des personnes, c'est des juhal, c'est des ignorants. لا يعلمون. فأهل الخير ils ont aidé ceux-là, ils ont aidé les ignorants. أما سي أهل الخير il est au masjid, il apprend العلم, il a des دروس. ثم يصور فلان إلى أهل الجهل فلان مخالفات et lui pense qu'à lui. Allah subhanahu wa ta'ala il peut châtier et châtier avec eux. Enfin, t'as une responsabilité. T'as une responsabilité. Ayyuha al-Muslim. Ayyuha al-Talib. Qala, thumma stadalla bi qawli Allah azza wa jal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah subhanahu wa ta'ala il te montre. Fais attention. Wattaqu fitnatan. Une fitna, elle ne va pas toucher que ceux qui ont fait le ma'asi, alladhina zalamu, ceux qui ont été injustes. Là, elle peut toucher al-jami'. Khassatan, si la personne est en qudra et il ne parle pas. Hada, il n'applique pas l'ilm. Hada, il n'applique pas l'ilm. Abadan. Wa min al-adilla kadhalik ala hada, hadith, umm al-mu'minin, Zainab bint Jahsh, radiyallahu ta'ala anha fi sahihayn, annaha sa'alat al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. فقالت على طوز كيسيون بروفيت عليه الصلاه والسلام لا فام دو بروفيت زينب قال لها demandé يا رسول الله ان اهلك وفينا الصالحون قال لها demandé est-ce que on peut périr on peut périr نعم et il y a des gens pieux avec nous اي la question ان il y a des gens pieux et il y a des pécheurs مفسدون est-ce qu'on peut périr le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit نعم vous pouvez tous périr قال اذا كثر الخبث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné la réponse, il lui a dit « Iza kathura al-khabat ». Al-khabat, c'est le ma'asi, les bukhalafat. Si al-khabat, il est kathir, et personne ne parle, tu as une responsabilité, akhi. Khassatan, celui qui a l'ilm, comme ça y a-t-il. Amma, celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas, qui ne peut pas, hada, la shay'ale, hada, il apprend son din. Amma, nahnu al-kalam l'an, comme ça y a-t-il, fi shurut al-amr bima'ruf al-na'munkar, la bud min al-ilm. Hadi, الفائدة الأولى الفائدة الأولى أي أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطهير المجتمعات تطهير البيوت تطهير الشوارع من المنكرات سي اون فائدة أن المعاصي المزدمينوي أنت ما بالك مثلا on est dans un village il y a des معاصي إلى آخره لا شك il y aura des معاصي on n'est pas parfait لكن ما بالك s'il y a 1000 personnes qui parlent à chaque fois. L'imam du masjid, ceux qui sont dans le masjid, femmes, enfants, beaucoup de gens une carte. Là, chaque munkar il va baisser. Mais balouk, s'il n'y en a que 500, s'il n'y en a que 100, s'il n'y en a que 10, s'il n'y en a que 10, il y aura du khayr. Ben, s'il n'y en a que 1, tu verras qu'il y aura du khayr. Amma, de toute façon, on est dans un village, on est dans une ville, il y a du munkar, personne ne parle. A'oudou billah, le munkar, jour en jour, il va augmenter. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie al-jami'a. Kadhalik, min al-fawa'id qu'on a pris dans ce point, anna fil amr bil ma'ruf wa ni'a munkar. Najat, comme dans le hadith, Anas, les personnes, l'histoire du bateau, qu'ils étaient sur le bateau, ils ont été sauvés, bi'idnillah azza wa jal. Il y a une personne, ou plusieurs personnes, ils ont interdit une autre personne de faire un trou dans le bateau. Ta'lamoun, Anas, si tu fais un trou dans le bateau, il coule moubachra. Il coule automatiquement. C'est quoi qui les a sauvés? C'est qu'ils ont enlevé ce munkar. Ils lui ont dit, taqillah. Taqillah. Faut pas faire un trou, huna ila akhiri. La personne, il s'est arrêté. Ma balouk, tout le monde se tait. Ils savent la kinesthèse. Il va faire le trou et tout le monde se noie. C'est quoi qui a permis de les sauver بعد الله سبحانه وتعالى? C'est un nahi عن المنكر. من الفوائد كذلك أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجاء الانتفاع والاستقامة للمأمور أو المنهي. أن si t'ordonnes le bien et t'interdis le mal, بإذن الله عز وجل, ça peut être un moyen que la personne elle est guidée. Et la personne, maintenant tu lui enlèves un munkar. Ou tu lui montres un bien. Lakin, Iblis, wa junud Iblis, qatalahumullah, ils mettent des wasawis à بعض الناس في هذا الباب. Maintenant, t'entends beaucoup. Il y a une personne là-bas, il fait un munkar. Il fume. Un munkar, mina al munkarat. T'entends kathir mina al-nas, ils répondent, non, mais il ne va pas accepter. Mubashara. اعلم ان هذا الكلام من وساوس ابليس. Qui c'est qui t'a dit qu'il va pas accepter? Est-ce que tu connais le ghaib? Awalan. Qui c'est qui t'a dit qu'il va accepter? Est-ce qu'Allah il est pas capable de le guider? Thaniyan. Qui c'est qui t'a dit qu'il va pas accepter? Allah il est arham mink. لكن بعض الناس يديز هذا الكلام إما إلى مبارا بيرسون إما إلى باكاباب إما إلى بانفي يدي مثل هذا الكلام لا لا يفا باكسبتي parle-lui pas هذا il est bizarre il va pas أخي اتق الله le prophète صلى الله عليه وسلم il a pas dit t'enlèves le munkar ou t'appelles le ma'ruf selon ta hawa. Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Deux choses. Deux choses pour que tu enlèves un munkar. C'est que tu vois le munkar ou tu le connais. Al-ru'ya huna, ça peut être le basariya ou l'ilmiya. Muhim, tu es sûr qu'il y a un munkar. Deuxièmement, c'est que tu peux. Hada faqat, si tu as les deux, tu dois enlever le munkar. La personne, c'est pas toi. قال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأما tu مثلا تسعي de chercher ce qu'il y a dans le cœur de la personne là il accepte pas là il va pas كده يا أخي اتق الله si on fait comme ça خلاص on va plus enlever aucun munkar لأن toi tu vas vouloir enlever un deuxième venir va dire là je le connais il accepte pas لا أبدا il accepte ou il accepte pas c'est pas ton problème أنت t'enlèves le munkar celui qui guide les cœurs c'est Allah فانتبهوا لهذه الأمور احيانا نحن في pas attention même si on le dit pas si on enlève pas mon cœur كثير من الامور c'est ça tu enlèves pas mon cœur il y en a dans ton cœur انت tu dis lui il accepte pas tu sais même pas lui parler taqilla peut-être que tu vas lui parler peut-être qu'une phrase une parole un dalil khassatan si c'est fait avec douceur avec hikma الى اخره peut-être qu'il va être guidé et c'est toi le sabab ad-dalu ala al-khayr ka fa'ilah celui qui appelle à un bien c'est comme celui qui a fait ce bien انت ne te fais pas avoir par Wasawis Iblis. Anta, dès que tu vois mon cœur, automatiquement, tu essaies d'avoir l'ajr. Tu te dis, bi'idnillah, s'il est guidé, inshallah, c'est moi qui aura l'ajr, j'aurai le même ajr que lui. Et tu y vas. S'il n'est pas guidé, est-ce que tu as perdu quelque chose? Abadan, t'as l'ajr, t'as enlevé mon cœur et t'as appelé un bien. T'as l'ajr. Il est guidé ou pas, t'as l'ajr, il y en a, t'as fait la ibada. Le musulman, il doit chercher le hasanat. Il ne doit pas chercher les excuses, hakada, ou abadan. T'as cherché le hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala, il est arham minna, il est a'lam minna. Wallahu ya'lam. وأنتم لا تعلمون. والدليل على هذه المسألة تسكن ستي قول الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. اسمع الله سبحانه وتعالى إنه غبط في القرآن الكريم l'histoire de ce قوم أن يا قوم يلابلي أن dans l'histoire il va y avoir trois personnes ou trois genres de personnes trois groupes de personnes une personne qui fait le munkar une personne qu'enlève qui va vouloir enlever le munkar et il y a un troisième groupe iste فقال وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم ومعذبهم un groupe de personnes il a décidé d'enlever un munkar il a décidé d'enlever un munkar l'autre groupe qui iste il lui a dit هذا الكلام وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم ومعذبهم Ils ont dit à ceux qui vont enlever mon cœur, Limada, pourquoi tu vas aller lui parler, pourquoi tu vas aller le conseiller, Allah il va le châtier. Ça, c'est pas un kalam sawab. Qala azza wa jal, qala aw mu'adhibuhum adhaban shadida, qalu ma'adhiratan ila rabbikum, wa la'allahum yattaqoun. C'est ça, al mawqif al sahih. Le groupe qui va enlever mon cœur, c'est un groupe qui a la ilm. Ce qui prouve qu'il y a la ilm, c'est la réponse. قالوا معذرة إلى ربكم. Ça c'est la première. La première chose, معذرة إلى ربكم. Au moins, يوم القيامة, j'aurais fait ce que j'ai à faire. J'ai une excuse عند الله. Ama si je parle pas, là, يوم القيامة, t'aurais des comptes à rendre. Limada t'as pas montré à Fulan. Limada t'as pas parlé. Tu vas répondre quoi à Allah? Ama si t'as parlé, voilà où il t'écoute pas, au moins t'as fait ce que t'avais à faire. معذرة إلى ربكم. قالوا ولعلهم يتقون. La deuxième chose. La deuxième chose qu'ils ont répondu, لعلهم يتقون. Ah, et le groupe qui lui a dit pourquoi vous allez enlever ce munkar, il aura répondu ma'adhiratan ila rabbikum, on aura une excuse عند الله. Et la deuxième chose, la'allahum yattaqun, peut-être qu'ils vont revenir au haq. Tant que la personne il n'est pas mort, il n'est pas enterré, ne désespère jamais qu'il soit guidé. Abadan. Celui qui désespère qu'une personne elle est guidée et il est encore vivant, fa hadha ila su'adhdhan billah rabbil alamin. Pourquoi? لأن الله سبحانه وتعالى il est capable de toutes choses. Fa la yajuz nahnu al'an un kafir ou alors le pire des kuffars, on dit khalas, il ne peut pas être guidé. Abadam. Celui qui pense ça, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. L'an Allah il est à la kulli shay'in qadir, c'est arhamur rahimin et il fait ce qu'il veut, azza wa jalla. La personne il faut qu'il ait husnul dhan billah subhanahu wa ta'ala. Et il appelle autant qu'il peut. La troisième faïda, an al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'ani munkar min a'zam asbab an-nasr. An-nasr, et le fait qu'Allah il secoue un qawm, il donne la victoire à un qawm. Parmi les plus grandes causes, c'est t'ordonne le bien et t'interdis le mal. قال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى أدب الآية ولا ينصرن الله من ينصر. الله سبحانه وتعالى يمنطق أن يدن la victoire à ceux qui secourent son din. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم يمنطق les causes. Pourquoi c'est quelle personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire? قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أولا يفعلوا الصلاة وآتوا الزكاة إذن لا زكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. La personne s'il veut la victoire sur son nafs, il veut la victoire contre عدو الله الشيطان وكنت الكفار إلى آخره, il applique ce verset الصلاة الزكاة et il ordonne le bien et il interdit le mal. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلامة الشيخ الفوزان فجعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات التمكين في الأرض ومن أسباب حصول النصر من الله سبحانه وتعالى. ومن نصره الله فلن يغلب, إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذه سنفائد عظيمة. أن سي الله يدل لفكتور برسن بورا Personne ne pourra te battre, personne ne pourra te vaincre, personne ne pourra prendre le dessus. Là, ton neuf, la shaitan, la yahoud, la nasara, personne. Lianna, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'en sort. Et la cause de ce neuf, une des causes, c'est Al-Amr bil Ma'ruf ou Al-Nahi anil Munkar. Amma les autres causes, enfin, on les avait détaillées, walillahi alhamd, dans la kalima qu'on avait fait sur Asbab al-Nasr. Al-Amr bil Ma'ruf ou Al-Nahi anil Munkar, il a des fadha'il azima. Et ça suffit comme fadha'il, comme bien, annaka tu suis le prophète alayhi salatu wassalam. Et tu suis les compagnons du prophète alayhim ridwanullah. Amma la deuxième mas'ala qu'on va voir, la première mas'ala c'est sur fada'il al-amr bil ma'ruf, la deuxième mas'ala c'est sur le hukm. Hukm al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est mustahab? Ala shak an al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar c'est wajib 'ala kulli qadir. Chaque personne qui est capable d'enlever un munkar ou d'appeler un ma'ruf, d'enlever un mal ou d'appeler un bien, c'est obligatoire pour lui. Qala azza wa jal fi al-Qur'an al-Karim wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika hum al-muflihun. Wal takun c'est un amr, c'est un ordre. Wal takun, Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne hadhihi al-umma d'appeler au bien et d'interdire le mal. Ça c'est wajib, c'est obligatoire. Fa la yajouz des musulmans, ils voient un munkar et ils ne sont pas concernés. La yajouz là. Ou la yajouz, il se tait s'il est capable. La yajouz, tu n'as pas le droit. Si tu tais, tu as fait le mukhalafa, tu as fait le ma'asiyya. Al-insan, il tawakkal ala Allah et il montre. Et il montre tant qu'il est à l'ilm et avec un bon comportement comme ça y a-t-il. Wa min as-sunnah, marawahu al-imam muslim. رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان رحمه الله un des gouverneurs à la fin de l'époque des compagnons رضي الله عنهم il s'appelait مروان وهو c'est le premier qui a fait cette bid'a. Le jour du عيد comme تعلمون c'est l'inverse de الجمعة. Tu fais la الصلاة après tu fais الخطبة, c'est ça يوم العيد. Dès que l'imam vient il fait الصلاة après il fait الخطبة. Marwan, rahimahullah, il a inversé, il a fait comme le Jumu'ah. Il a fait le khutbah et après il a fait le salat. Dans un autre riwaya, il explique à Nahu, si il fait la salat, dès qu'après la salat, tout le monde part. Et plus personne l'écoute. Fahoua, il a inversé, hatta les gens l'écoutent. Rahimahullah. Ala kulli hal, il a fait cette bid'ah. Isma, le comportement des compagnons du prophète, alayhi salatu salam. Qala faqama ilayhi radulun faqal, as salat qabla al khutbah. Une personne il s'est levé et il lui a dit tu fais salat avant le khutbah. Inkar. Il lui a reproché comment tu fais salat avant le khutbah alors que le prophète alayhi salatu salam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ils étaient avant lui, ils ont tous fait al khutbah ou al salat ثم al khutbah. Lui l'inverse al khutbah salat. C'est un munkar. بعض الناس بعض الجهلة ممكن يفعل أكمل لأن يفعل travailler sa raison. Elle est où la différence? Je commence par le khutbah ou je commence par salat? L'essentiel c'est de faire les deux. Ba'dallah, si réfléchissent comme ça. T'as une demi-heure, que tu fasses un quart d'heure la khutbah au début, un quart d'heure la salat au début, c'est pareil, tu auras fait les deux. Amma inda sunni abadan, c'est grave. Li'anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, inna sharra al-umur muhdathatuha. La pire des choses, c'est une chose inventée fait de dîn. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فأنت أيها المسلم تدوغ فلاشيخ avec القرآن والسنة. بعض الناس يفلاشيخ avec la raison. يبغى منكر مثلا أنت لو دي يا أخي بعض الناس دي ما إلى غير في المال. إلى غير في المال pour toi. أما نحن نصي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. نصي أن الأجر qu'il aurait pu avoir مروان رحمه الله avec cette بدعة il n'a pas d'أجر. فالصحابة ils veulent son bien. فكي سيكا كوكي المعروف الصحابة أو سي لجوحال دو نوتخي بوك. قال رحمه الله فقال مروان قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أبو سعيد الخضري الصحابي الجليل قال أما هذا فقد قضم عليه. أبو سعيد لا parler, il a dit أما هذا أي لا personne qui a enlevé ce munkar, لا personne qui a dit الخطبة قبل الصلاة. أبو سعيد لا dit أما هذا قد قضم عليه. أما هذا il a fait ce qu'il avait à faire. Ça te montre l'importance d'enlever mon cœur. Amma hada faqad qadama alayhi. Qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Abu Sa'id an il va rapporter le hadith. Bien, cette histoire elle a fait rappeler Abu Sa'id ce hadith. Qala alayhi salatu wa salam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhafu al-iman. Abu Sa'id il a rapporté ce hadith. Il a dit celui qui voit un munkar, man ra'a minkum munkaran, qui qu'il soit, man ra'a minkum munkaran, il l'enlève. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous a montré les degrés, les étapes. Mais An-Nahiyanan, tu ne peux pas. Enfin, si tu peux avec ta main, t'enlèves avec ta main. Si tu ne peux pas, avec la langue. Wahada, il est kathir. Avec la langue. Et taqillah, pourquoi tu fais ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit t'enlèves le munkar, ou t'appelles un bien. Si tu ne peux pas, ça arrive. Il y a des situations, la personne ne peut pas, hatta avec la langue. Il ne peut pas, c'est un bachar. Le bachar, il est raïf. Fahada, il lui reste le troisième degré, le troisième niveau. Falyughayyirhu biqalbih. Wadhalika adhafu l'iman. Il ne lui reste plus que le cœur. C'est le plus bas niveau de l'iman. Lianna, le cœur, il n'y a personne qui peut dire pourquoi ou abadan. Ton cœur, il n'y a personne qui sait ce qu'il y a dedans. Illa Allah subhanahu wa ta'ala. Fah, si tu enlèves mon cœur, tu ne risques rien. Biqalbih. والامر نحن on a cité ce hadith ان النبي صلى الله عليه وسلم il a dit من راى منكم منكرا فليغيره امر. C'est un ordre. Celui qui voit munkar il l'enlève. C'est un ordre. Et تعلمون ان الاصل في الاوامر c'est le wujub. ونقل القاضي عياد رحمه الله الاجماع ان الامر في هذا الحديث الايجاب. القاضي عياد من علماء المسلمين رحمه الله il a rapporté l'unanimité des savants en l'ordre dans ce hadith man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. C'est un ordre d'obligation, c'est obligatoire bi ijma' al ulama. Qala al qadi ba'd hadha rahimahu Allah wa lam yukhalif fi dhalik illa man la yu'tad bi khilafihi min al rafidah. Al qadi Iyad il a montré en toute la umma ils sont d'accord en c'est obligatoire illa un groupe aslan tu regardes même pas son khilaf c'est al rafid. Comment ils vont enlever munkar et ils vivent dans le munkar leil nahar. Fala tad'ajjab de leur khilaf. Comment ils vont dire on enlève munkar c'est obligatoire et sa vie c'est un munkar. Sallallahu alayhi wa sallam. Mas'ala. Wa la'alla na'am. Nakmil bi hadha. Wa hiya c'est une mas'ala muhimma. Al'an anta t'as compris que l'amr bil ma'ruf wa na'i al munkar c'est wajib. Bi shart c'est que t'as le qudra. Et un autre shart c'est que t'as la ilm. Et les autres routes on les verra demain bi innillah. Amma l'an on a compris أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سي واجب سي اوبليغاتوار بور سولوي كي كاباب. الآن بقي مسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام لجميع الأمة سي بور توت لا أمة سي با خاص بور الحكام أو خاص بطائفة سي بور شاك مسلم شاك مسلم أوتون كي بو. من الأدلة على ذلك أو يستدل على ذلك بقول قال الإمام الخلال رحمه الله في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت إسحاق ابن راهويه حدثهم أن أبا عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله سئل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم إذا ماضي الإمام أحمد أشكو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيوبليغاتوار بور تو لي مسلمون قال نعم يقول نعم بور شاك مسلم قال فإن خشي. La personne qui lui a posé la question lui a dit lakin, s'il a peur. Ahyanan, tu ne peux pas enlever le munkar hakada. Ça peut te faire du mal. Qala l'imam Ahmed, huwa wajib alayh. Hatta yakhaf, fa idha khashi ala nafsihi, fa la yaf'al. C'est ça, as-sawab. Annahu, c'est wajib alayh. Tu vois munkar, wajib alayk, tu l'enlèves. Si tu sens, tu vois, anna, si tu l'enlèves, ça peut te faire un mal plus grand, fi hada al-hal, t'as plus le qudra. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu ne peux pas, bascule au niveau d'en bas, avec la langue. Tu ne le touches pas, là qui me parle. Si tu sens que même avec la langue, ça peut te faire un problème, tu te fais arrêter, tu te fais kada, tu te fais taper, tu te fais tuer. Dans ce cas-là, si tu as peur pour ton œuf, descends. Biqalbi. Parle pas. Dis rien. Lakin ton cœur. Tu détestes ce qui fait la personne, c'est un munkar. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. C'est ça le mawqif sahih. Wa fi hadith Abi Sa'id radiyallahu ta'ala an qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran. Ta'lamuna anna man min alfad al-umum. Man ay quiconque. Hakada tu peux traduire. Quiconque voit un munkar, il l'enlève. Enfin, le quiconque on a c'est jami' al-muslimin. Jami' al-muslimin. Tu peux pas dire là c'est khas pour fulan, ma dalil. C'est quoi ton dalil? Qala كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وجه الأمر إلى الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى دي cette parole là qui est الصحابة. Si ça aurait été réservé à une catégorie de personnes, le Nabi صلى الله عليه وسلم il aurait montré. Il aurait dit pour la main c'est pour fulan. أما pour vous la langue il a أخر. النبي صلى الله عليه وسلم il a jamais dit هذا القول. كذلك قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة. Ça te montre que l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, c'est pour la umma. C'est pour toute la umma. كذلك قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ففي الآية المؤمنون والمؤمنات. المؤمنون والمؤمنات ils appellent au bien, ils interdisent le mal. فهذا هو القول الصحيح. هو القول الصحيح. وبعض العلماء يقولون اليد c'est pour le hakim ou pour kada. فهذا c'est pas على الإطلاق. لكن لا شك أن الحاكم le gouverneur, ceux qui travaillent avec le gouverneur, la police, فلا شك أن هؤلاء ils auront plus de facilité en le munkar, plus de facilité que toi, et ils auront plus de qudra. Peut-être un tas tu vas arriver, la personne ils sont plus que toi, ou la personne il est plus fort que toi, ou la personne il est armée, tu peux pas enlever le munkar. أما si c'est le hukuma ils peuvent. C'est ça, il y a une différence entre le hukuma et la personne. لكن مطلقا dire là la personne ne doit pas enlever le munkar biyadé, هذا c'est pas un qawl sahih. قال العلامة الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قال هذا خطأ واضح. Il parle رحمه الله de ceux qui disent enlever le munkar avec la main c'est que pour الحكومة, c'est que pour الشرطة. فالشيخ بن باز l'a dit هذا c'est un خطأ واضح. لماذا؟ قال والصواب أن الإنكار بمرتبته الثلاث مشروعة للمسؤول وغيره. الشيخ بن باز رحمه الله il parle et il a compris la masala avec le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. الشيخ بن باز a dit le hadith il est pour le gouverneur et pour les autres. Celui qui voit un munkar, le short c'est quoi? C'est que tu es capable. Voilà, chaque le gouverneur il aura plus de capacité que toi. Là, chaque. Enfin, il enlèvera plus de munkar que toi. Amma que toi tu te taises, ou t'enlèves pas le munkar si tu peux, abdel. Qala فالمسؤول من جهة الحكومة أقدر من غيره. هذا. أما الرسبونسابل لا شك إلى plus de capacité qu'un autre. قال والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان. أما celui qui peut pas, il enlève le munkar avec sa langue s'il peut pas avec son cœur. مسألة c'est la capacité. راجع تفصيل هذه المسألة في رسالة أخينا أبي حاتم سعيد بن دعاس اليافعي وفقه الله إلى فصل هذه المسألة. هو لا يكخس رسالة إلا من هذا, إلا من أجل هذا. لا يكون رسالة في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إلى بلو بعض الرسالة يرد sur ceux qui disent أن enlever le munkar c'est خاص pour فلان أو فلان يرحمكم الله. فراجع هذه الرسالة لنافعة في هذا الباب يرحمكم الله. الخلاصة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ordonner le bien, interdire un mal, si tu as la capacité, fais-le. Et avec les shurut, avec ilm ila akhir. Wa hunak shubha ba'd al jahla yastadillun bi qawlillah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Ba'd al jahla se servent de cette aya. Ils se servent de cette aya et ils disent anna fulan ana ne me regarde pas. S'il fait un munkar, c'est pas mon problème. Et il stade avec cette aya. Ya ayyuhalladhina amanu 'alaykum anfusakum. Ay occupe-toi de ton nafs. 'Alaykum anfusakum. La yadhurrukum man dhalla ida hatadaytum. Aïe, ceux qui s'égarent, ils ne te feront aucun mal. Si toi t'es guidé. Ils ont compris une hadith aya, ya ayu alladina amanu alaykum anfusakum. Aïe, j'ai pas besoin de parler aux autres. Wahada sa'an fahm ba'id. Et ça, c'est le résultat de ceux qui délaissent la compréhension des compagnons du prophète alayhi salam wa radiyallahu anhum et comprennent le Coran avec sa hawa. Il appelle pas au ma'rouf, il enlève pas le munkar. Il a trouvé ce verset, il a cru que c'était un dalil pour lui. Et le miskin, il ne sait pas que c'est un dalil contre lui. Mais même mobtel, il y a ce dalil. Et il n'est pas à sa place de dalil, il n'a aucun alay. Comme a dit Cheikh l'Islam. Ou comme a dit, n'am, bil ma'na. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, même mobtel. Que ce soit mobtadi, un sahib, shubha, ou shahwa, il a akhiri. Et il utilise un dalil, que pas à sa place, tu verras que ce dalil, il est contre lui. Man, yastati, il nous montre, un ahad al dalil. Il est contre cette personne qui nous dit, ana, j'appelle pas au ma'rouf. J'enlève pas le munkar. Lianna Allah il a dit, ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum. Faman yujib? Qul Abu Bakr Siddiq. ماذا قال؟ أحسنت قول أبي بكر الصديق إنكم تقرؤون الآية إنكم تقرؤون هذه الآية أبو بكر الصديق il leur a montré أنهم يلزم الآية لكن إلا كمخن قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها أي vous lisez cette آية vous la comprenez pas et vous en et ils se servent de cette آية ils la mettent pas à sa place. الآن c'est où dans l'آية que tu comprends Anna, la compréhension de la personne elle n'est pas bonne, celui qui se sert de cette ayah. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عز وجل إذا اهتديتم ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآية tu comprends quoi أنت un فهم صحيح يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أي si tu comprends l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ça fait partie de la hidayah, ça fait partie de la guidée. Fa anta si tu appelles une personne un ma'ruf ou tu l'interdis d'un mal et il t'écoute pas, il te fera aucun mal. Hada hada fahm al-aya. Ama tu comprends l'aya aslan je fais pas l'effort, je lui montre pas et c'est pas mon problème abadan. Lianna dans ce cas-là, tu n'es pas à la huda. T'as pas appliqué qu'on Nabi sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. T'as pas appliqué qu'on Allah azza wa jalla kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. تأمرون بالمعروف تنهوا عن المنكر الآية. قال الإمام أو قبل هذا نقرأ روى الإمام أبو داود رحمه الله عن قيس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية آية سورة المائدة verset 105 قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها قال رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانتبه أن Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il va expliquer le verset avec un hadith du prophète Aïssa al-Salam. Hakada tu comprends le Coran. Hakada si tu veux comprendre le Coran. Amma wahid il y a un verset, il le comprend comme il veut. Un deuxième, abadan. Abadan. Ondor. Abu Bakr al-Siddiq, il va expliquer la ayah avec un verset. Il va expliquer le verset avec un hadith. Qala, rahimahullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ma min qawmin yu'mal fihim al-ma'asi. Thumma, يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. فأبو بكر الصديق il rapporte la parole du prophète عليه الصلاة والسلام أن si une personne elle vit au milieu d'un قوم comme on a expliqué auparavant et il y a des munkers et il n'enlève pas alors qu'il peut فالله سبحانه وتعالى il peut châtier l'ensemble celui qui a fait le munker et celui qui se tait. Est-ce que après ça tu peux comprendre la ayah j'appelle pas au ma'rouf et j'enlève pas le munkar? Abadan. Illa in sahib shubha ou sahib shahwa. Ama sahib al-haq, abadan. Qala l'imam al-Shanqiti rahimahullah, il va expliquer l'ayah. Et nous on a cité ça, lakin on lit kalam ahl al-ilm, c'est muhim. Qala l'imam al-Shanqiti, ay sahib adwa al-bayan, fi qawl la ta'ala al-ayah, ya ayyuha alladhina amanu alaykum anfusakum, qala. قد يتوهم من الوهم أي certaines personnes ils peuvent penser قد يتوهم بعض الجهال من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الناس صحيح قلة العلم خاصة سلة الموفيز نية il peut comprendre من هذه الآية أنه je m'occupe de moi-même. تعلمون أن بعض الناس ils prennent من الأدلة ce qui correspond à هو بعض الناس ils ont lu يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ils s'arrêtaient il a dit خلاص أنا نفسي نفسي وهذا سمين مسلك أهل الضلال أما سوكي بالحق يفني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إن فرعوا كمال سجل موتر سجل موتر نعم إن فرعوا كمال يا أخي اتق الله سكو تفاسي حرام إن دي الله كذا يا أخي اتق الله لا لسموا عيتو السلام عليكم سسافهم الآية قال ولكن بنفس الآية فيها الإشارة إلا أن ذلك فيما إذا بلغ جهده نعم si il fait l'effort il le fera au كمال قال ذلك في قوله تعالى إذا اهتديتم قال لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي فقول الله عز وجل إذا اهتديتم من الهداية c'est العلم والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والحكمة والرفق si tu lui as montré il accepte pas il le fera au كمال. Et demain, بإذن الله, نبدأ la deuxième partie. On fera بإذن الله الشروط. شروط الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر, c'est مهم. Et on essaiera de citer quelques akhlaq, comportements de celui qui appelle au ma'rouf et qui interdit le munkar. Wa billahi tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك مع تحيتي دماج افاق.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء ثعابين